6, 8. Activation orale, avoir l'air, être. Répondez selon les exemples. Par exemple, vous entendez... 1. Mireille a l'air gentille. Et vous répondez... Oui, elle est très gentille. Ou bien vous entendez... 2. Vous avez l'air fatigué. Et vous répondez... Oui, je suis très fatigué. Allons-y. 3. Mireille a l'air malade. Ben oui, elle est malade. 4. Fido a l'air méchant. Ouh oui, il est méchant. 5. Les jeunes gens ont l'air sportifs. Mais oui, ils sont très sportifs. 6. Le professeur a l'air jeune. Oui, il est très jeune. 7. Les comédies italiennes ont l'air amusantes. Oui, elles sont très amusantes. 8. La leçon a l'air facile. Oui, elle est facile.